Hallelujah. Car Dieu entend nos misères. Au jour de la sécheresse, il sait comment chasser nos stress. Double portion pour le sabbat, grâce abondante dans le combat. Devant ma porte tombée du ciel, chaque matin une dose nouvelle. Autrefois dans l'arche de l'Alliance, révélé aux humains dans les rues de Galilée, pain au miel, un secours au bout du ciel, suffisante l'action des tout-puissants. Pain au miel, un secours au bout du ciel, suffisante l'action du tout-puissant. Man who man, Jésus le man caché. Man who man, Jésus le pain du jour. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Man who, ses cris d'étonnement, elle vient d'où? Elle étonne. Bonne nouvelle qui mène au ciel, parole pure sans mélange. Aux heures où on est sans espoir, au milieu de nos devoirs, Jésus-Christ se fait un devoir de nous faire goûter sa gloire. Pain au miel, Jésus, un secours du ciel, suffisant, bondi, l'action du puissant. Jésus le pain du jour, pain au miel, Jésus, un secours au bout du ciel, suffisant, oh oui, l'action du tout-puissant, pain au miel, Jésus, un secours au bout du ciel, suffisant, oh oui, l'action du tout-puissant. Man, ooh, man, Jésus le pain du jour. Man, ooh.